il y a là un couple de girafes, une paire de buffles, deux flamants roses, et aussi des hérissons, des rossignols, des escargots et même deux araignées. Tout est prêt maintenant. Noé a cloué les dernières planches. Les animaux sont tous là. Les femmes ont fait des provisions. Tous sont entrés dans le bateau. Ils attendent. Bientôt, le ciel se charge de lourds nuages noirs. Il va pleuvoir. La première goutte tombe sur le toit de l'arche. Et c'est le déluge. L'eau monte. Une mer se forme. Lorsque l'arche commence à flotter, les animaux s'affolent. Les hommes aussi, d'ailleurs. L'arche grince, ballottée par les flots. Seul, Noé reste calme. Dieu a promis de les sauver tous, assure-t-il. Il a confiance. La pluie dure 40 jours. Quand la pluie s'arrête enfin, il règne un profond silence. Dehors, il n'y a plus un seul bruit. Les oiseaux ne chantent plus. Les hommes ne se battent plus. Toute vie a disparu et l'arche flotte toujours sur la mer. Allons-nous vivre éternellement dans ce bateau ? S'inquiètent les femmes. Noé n'en sait rien. Dieu n'a rien dit à ce sujet. Aussi, il lâche une colombe par la fenêtre. Mais l'oiseau revient vite se percher sur le bateau. Il n'a pas trouvé d'endroit où se poser, constate Noé. 7 jours plus tard, l'oiseau s'envole de nouveau et revient avec, dans le bec, un brin d'olivier. C'est le signe que l'eau commence à baisser, se réjouit Noé. 7 jours passent encore. Cette fois-ci, la colombe ne rentre pas. Enfin, la terre est asséchée, s'écrie Noé. Alors, un par un, Noé et sa famille quittent le grand bateau. Derrière eux, les animaux sortent à leur tour. Éléphants, chèvres, pélicans, chiens, coccinelles. Ils forment une multitude. Certains ont eu des petits. La vie revient sur la terre. Mais déjà, l'air vibre sous les coups de marteau du vieux Noé. Il construit un autel. Il veut rendre gloire à Dieu. Alors, le Seigneur dessine dans le ciel un arc de toutes les couleurs, en signe de son amour pour les hommes. Jamais plus, il ne détruira la vie sur la terre. C'est promis. L'homme qui avait confiance en Dieu. Page 17. Abraham regarde avec tendresse sa femme qui prépare le repas. Sarah est âgée maintenant. Ses cheveux sont blancs, son visage est creusé de rides. Pourtant, elle n'a jamais eu l'air aussi jeune et tous ses gestes montrent la joie de son cœur. Abraham se souvient de tout ce qui leur est arrivé. Il y a des années, le Seigneur a demandé à Abraham de quitter son pays et sa famille et de le suivre vers une terre qu'il lui indiquerait. Et le vieil homme a obéi. Il a emmené avec lui sa femme Sarah, son neveu, tous ses serviteurs et ses troupeaux. Il ne savait pas où il allait, mais il avait confiance dans le Seigneur. Dieu lui montrerait la terre qu'il lui avait promise. Abraham et les siens marchèrent longtemps. Chaque jour, ils formaient leur campement qu'ils démontaient au petit matin pour reprendre la route. Et puis un jour, le Seigneur dit à Abraham, « Voilà le pays que je donnerai à ta descendance. » C'était un pays de montagnes arides, au pied desquelles s'étalait une longue plaine fertile. Aussitôt, Abraham installa toute sa famille à l'endroit où le Seigneur lui avait parlé. Puis il dressa un autel pour lui rendre gloire. Alors, Dieu lui fit cette nouvelle promesse. « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. » Une fois de plus, Abraham reçut cette promesse du Seigneur avec confiance. À l'époque, il ignorait comment cela serait possible, car Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il a cru. Et aujourd'hui, Abraham sait que la promesse du Seigneur est sur le point de s'accomplir. Car Sarah attend un bébé, à un âge où plus personne n'aurait osé lui souhaiter ce bonheur. Sa femme va avoir un fils, et lui, Abraham, sera le père d'une multitude. « Rien n'est impossible à Dieu, » répète le vieil homme. « J'ai confiance en lui. » Sarah se redresse, pose la main sur son ventre arrondi

Dieu a favorisé ma chasse, père, répond Jacob. Approche un peu que je te touche, pour savoir si tu es bien mon fils, Ésaü. Isaac étend la main et caresse le poil de chevreau posé sur les bras de Jacob. Ta voix est celle de Jacob, dit-il. Mais tes bras sont ceux d'Ésaü. Est-ce bien toi, Ésaü ? C'est moi, père, répond Jacob. Isaac mange le plat préparé par Rebecca. Puis il dit « Viens m'embrasser, mon fils. » Jacob approche et Isaac le prend dans ses bras. Il respire l'odeur des vêtements d'Ésaü. Convaincu que c'est bien son fils aîné qui est devant lui, il bénit donc Jacob. « Que le Seigneur te donne de l'eau, une terre fertile et des récoltes nombreuses. » Que les nations te servent, qu'elles se prosternent devant toi. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Un peu plus tard, quand Ésaü revient de la chasse et demande à son père de le bénir, Isaac comprend que Jacob l'a trompé. Mais il est trop tard. Il ne peut lui retirer sa bénédiction. Ésaü est fou de rage. Il veut tuer son frère. Pars! Conseille Rebecca à Jacob. Tu reviendras lorsque la colère de ton frère sera apaisée. Obéissant, Jacob part en hâte chez son oncle. Mais en chemin, il est surpris par la nuit. Il décide de s'arrêter et de dormir, la tête posée sur une pierre. C'est alors qu'il rêve que Dieu est là, à côté de lui, et qu'il lui dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux comme les grains de poussière du sol. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas avant que tu reviennes sur cette terre que je t'ai promise. » Jacob sort de son sommeil et s'écrie « Si le Seigneur me garde vraiment, s'il est avec moi, s'il me nourrit et me vêt, et s'il me ramène sain et sauf chez mon père, alors il sera mon Dieu. » Quelque temps plus tard, Jacob se marie et il a 12 fils. Sa descendance est nombreuse. Et lorsque la colère d'Ésaü s'est apaisée, il revient vivre dans le pays de Canaan comme Dieu le lui a promis. Alors, Jacob prend le Seigneur pour son Dieu et il est désormais appelé Israël. Les rêves de Joseph, page 26. Parmi ses 12 fils, Jacob Israël a une tendresse toute particulière pour Joseph, l'avant-dernier. Il lui prodigue toute son affection, car il lui rappelle son épouse bien-aimée. Les frères de Joseph sont jaloux. Ils complotent dans son dos et cherchent à se débarrasser de lui depuis qu'il leur a raconté l'un de ses songes. « J'ai rêvé que nous récoltions du blé et que vos gerbes se prosternaient devant la mienne. » leur a-t-il dit. « Pour qui se prend-il ? » pensent ses frères. « Se croit-il meilleur que nous ? S'imagine-t-il que nous nous agenouillerons devant lui ?» Un jour, alors qu'ils gardent les troupeaux, les fils d'Israël voient arriver Joseph au loin. « C'est le moment !» murmurent-ils. « Tuons-le et jetons-le dans l'une de ses réserves d'eau. » Mais Ruben, le fils aîné, s'y oppose. « Jetez-le dans une citerne si vous voulez, mais ne le tuez pas !» supplie-t-il. Les frères réfléchissent. Ruben a raison. Ils ne veulent pas avoir le sang de leur frère sur les mains. Aussi, quand Joseph les rejoint enfin, il se rue sur lui sans crier gare, lui arrache ses vêtements et le jette dans un puits. Ruben se promet de venir les rechercher plus tard, mais sans le prévenir, ses frères vendent Joseph aux marchands d'une caravane qui fait route vers l'Égypte. Lorsqu'ils rentrent chez leur père, les frères lui apportent la tunique de Joseph qu'ils ont trempée dans du sang de bouc. « Une bête féroce a dévoré notre frère !» se lamente-t-il. Israël est fou de douleur. Il déchire ses vêtements et pleure la disparition de son fils. Mais Joseph n'est pas mort. Il est arrivé en Égypte où les marchands l'ont vendu comme esclave. Dieu bénit Joseph et tout ce que le jeune homme entreprend lui réussit. Bientôt, son maître lui confie la tenue de toutes ses affaires. Hélas, la femme de la maison lui veut du mal. Elle complote contre lui et Joseph, accusé à tort, est jeté en prison. D'esclave, Joseph est donc devenu prisonnier. Mais Dieu bénit Joseph et le chef de la prison comprend sa valeur et le traite bien. Un matin, Joseph interprète les rêves que deux prisonniers de Pharaon ont faits dans la nuit. Les hommes sont subjugués. Tout ce que Joseph leur dit est vrai. Il connaît le langage des rêves. Justement, Pharaon vient de faire un rêve qui le tracasse. Il a vu en songe 7 vaches grasses dévorées par 7 autres très maigres. Il a vu aussi 7 épis de blé rond et doré brisés par 7 épis tout secs. Pharaon convoque tous les magiciens et les savants de son royaume pour tenter de découvrir la signification de ce rêve étrange. En vain, personne n'en comprend le message. C'est alors que l'un des hommes qui a été en prison avec Joseph se souvient de lui. « J'ai connu un Hébreu en prison, » dit-il à Pharaon. « Il a interprété mon rêve et tout ce qu'il m'a dit s'est réalisé. » Pharaon envoie chercher Joseph sur le champ. Il lui raconte son rêve et Joseph, avec l'aide du Seigneur, le lui explique sans peine. « Ton pays va connaître 7 années d'abondance, » déclare-t-il. « Ce sont les 7 vaches grasses que tu as vues et les 7 épis de blé dorés. Ensuite viendront 7 années de famine, représentées par les vaches maigres et les épis secs. Si tu ne fais pas de réserve de nourriture durant les années d'abondance, ton pays mourra de faim. » Lorsque Pharaon entend Joseph, il comprend que ce qu'il dit est vrai. « Tu seras le maître de mon palais, » décide-t-il. « Tu te chargeras de faire des réserves pour mettre mon pays à l'abri de la famine. » Joseph agit ainsi qu'il l'a conseillé au roi. Il met du grain de côté en abondance, puis nourrit les habitants du pays d'Égypte quand survient la famine. Non loin de là, au pays de Canaan, la famine sévit aussi. Israël et ses fils n'ont plus rien à manger. « Allez chercher du blé en Égypte !» ordonne Israël. « Achetez-leur du grain !» C'est ainsi que se réalise le rêve de Joseph. Lorsque ses frères arrivent en Égypte, ils se rendent auprès de lui, ne le reconnaissent pas, et se prosternent devant lui pour lui demander du grain. Alors, Joseph leur fait connaître qui il est. Il leur donne du blé et les envoie chercher son père Israël pour qu'ils s'installent tous en Égypte et profitent des réserves du pays. Au commencement, la famille d'Israël est heureuse et prospère. Elle devient un peuple nombreux. Mais lorsque Joseph meurt et que Pharaon disparaît à son tour, le roi qui lui succède prend en haine les Hébreux. Il en fait des esclaves et leur mène la vie dure. Dès lors, le peuple d'Israël n'a qu'un seul désir, fuir. Un cadeau du fleuve, page 31. Le soleil se lève sur le pays d'Égypte. Lentement, la nature s'éveille avec lui. Comme chaque jour, la fille de Pharaon descend faire sa toilette dans les eaux du Nil. Elle aime se lever tôt pour profiter du silence. Ce matin pourtant, à peine entrée dans l'eau, elle se redresse. Elle a entendu quelque chose. Elle tend l'oreille. Le bruit recommence, un peu étouffé. La princesse s'avance jusqu'au roseau. Elle découvre alors une corbeille en osier dans laquelle un bébé pleure doucement. « Oh, un enfant, comme il est beau !» s'exclame-t-elle devant le visage rond, les pieds minuscules et les petits bras potelés. Les servantes accourent. « C'est un petit Hébreu, un fils d'esclave !» dit l'une d'entre elles. « Sa mère l'a sans doute caché là pour le sauver !» La fille de Pharaon sait que son père a ordonné de tuer tous les petits garçons qui naissent au sein du peuple hébreu, car il craint que ses esclaves ne deviennent trop nombreux et trop puissants. « Je ne veux pas que cet enfant soit tué !» lance-t-elle. « Je vais l'élever comme mon propre fils. Je l'appellerai Moïse, celui qui est sauvé des eaux. » Ainsi, Moïse grandit à la cour du roi d'Égypte. Mais plus le temps passe, et moins il supporte de voir les Hébreux humiliés et exploités. Un jour, envahi par la colère, il tue un Égyptien qui battait un esclave. Moïse doit fuir.

il ne détruira pas la ville. Ses habitants seront sauvés. Une nuit à Bethléem. Page 48. Il est minuit. La ville de Bethléem s'est endormie. Seule, une petite lumière scintille au fond d'une étable. Joseph et Marie, qui n'ont trouvé nulle part où s'installer pour la nuit, veillent encore. Marie vient de mettre au monde le bébé qu'elle attendait. Elle l'emmaillote dans un linge et le couche sur la paille d'une mangeoire. Le bœuf et l'âne, allongés près de lui, lui tiennent chaud. « Nous l'appellerons Jésus, » murmure-t-elle. Joseph hoche la tête. Il contemple l'enfant avec émotion. Comme tous les Juifs de son temps, il attendait la venue du Fils de Dieu, du Messie qui doit sauver les hommes. Et le voici qui est là, devant lui. Ce n'est qu'un minuscule bébé qui agite ses petites mains et ouvre de grands yeux étonnés. Dieu s'est fait petit enfant, incapable de vivre sans ses parents. À cette idée, les yeux de Joseph se remplissent de larmes de joie et de reconnaissance, car Dieu l'a choisi, lui, pour veiller sur son fils. C'est ce que l'ange lui a révélé en songe lorsqu'il a découvert que Marie était enceinte. « Ne crains pas de prendre Marie chez toi, » lui a dit l'ange. « L'enfant qu'elle porte en elle est le fruit de l'Esprit-Saint. Tu lui donneras le nom de Jésus, qui signifie « le Seigneur sauve », car c'est lui qui délivrera les hommes du péché. » Jésus s'est endormi. À côté de lui, Marie se repose. Joseph, appuyé sur son bâton, veille sur leur sommeil. Il se promet de les protéger. Soudain, un bruit lui parvient dehors. Joseph tend l'oreille aux aguets. Qui peut bien venir à cette heure-ci de la nuit? Un voleur? Une bête sauvage? Joseph serre plus fort son bâton et ne quitte pas du regard la porte de l'étable. Il entend des pas maintenant, des chuchotements et un faible bêlement. Que signifie ce remue-ménage? Que se passe-t-il? La porte s'ouvre en grinçant. Joseph se raidit. Mais il n'y a là qu'un agneau. Un tout petit agneau qui se faufile jusqu'à l'enfant Jésus. Derrière lui suivent des bergers, un peu gênés et très intimidés. Sans un bruit, il s'approche de l'enfant et s'agenouille pour l'adorer. « Nous avons vu un cœur d'ange !» explique-t-il à Joseph et à Marie. Réveillant sursaut. Ils nous ont dit qu'un sauveur était né aujourd'hui. Nous sommes venus et nous avons vu la gloire de Dieu. Mais déjà, de nouveaux bruits arrivent de l'extérieur. On entend des hommes parler dans des langues inconnues. La porte de l'étable s'ouvre de nouveau. Trois hommes entrent, les bras chargés de cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils sont magnifiques dans leurs costumes colorés et parés de bijoux étincelants. Ce sont des mages venus d'Orient. Ils ont vu se lever une étoile et ils l'ont suivi jusqu'à la crèche. Eux aussi viennent adorer l'enfant. Avec respect, tous trois courbent la tête devant lui. Car ce tout petit bébé n'est pas venu que pour les Juifs, mais pour tous les hommes de la terre. L'homme qui crie dans le désert. Page 52. La foule se presse jusqu'aux rives du Jourdain. Les hommes et les femmes accourent vers les eaux vives de ce fleuve qui coule en plein désert. Pourtant, ce n'est pas l'eau qu'ils viennent chercher aujourd'hui. Un homme est là qui baptise. Il s'appelle Jean. Des bruits circulent à son sujet. Certains pensent qu'il est le Messie. Comment ne pas croire en effet que Jean est celui que le peuple attend, puisque, dès avant sa naissance, Dieu était avec lui. Sa mère, Élisabeth, était une femme âgée. Le temps passait et elle se désolait de ne pas avoir d'enfant. Un jour, pourtant, un ange apparut à son mari Zacharie. « Dieu a entendu tes prières ?» lui dit l'ange. « Ta femme, Élisabeth, va avoir un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera grand devant le Seigneur et il préparera le monde à sa venue. » « Mais je suis vieux, et ma femme aussi !» s'étonna Zacharie, incrédule. Pourtant, rien n'est impossible à Dieu, et pour punir Zacharie d'avoir douté de lui, le Seigneur lui ôta la parole jusqu'à la naissance de son enfant. Car Élisabeth fut bientôt enceinte. Quand l'enfant fut sur le point de naître, Marie, la cousine d'Élisabeth, vint la voir pour l'aider. Elle était enceinte, elle aussi. Lorsqu'Élisabeth la vit approcher, l'enfant tressaillit en elle. Elle comprit alors la merveille qui se préparait et salua sa cousine avec émotion. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Peu après, Élisabeth mit au monde un fils. Les hommes et les femmes qui étaient présents pour fêter la naissance demandèrent à Zacharie comment ils voulaient appeler l'enfant. Zacharie, qui ne pouvait toujours pas parler, se saisit d'une tablette et écrivit « Jean » et son nom. Alors, l'enfant fut appelé Jean, qui signifie « Dieu fait grâce ». Et Zacharie retrouva aussitôt l'usage de la parole. Jean a grandi. Il a choisi de se retirer au désert pour y mener une vie simple et proche de Dieu. Il se nourrit de sauterelles et de miel. Il est habillé d'une peau de chameau. Un jour, enfin, sachant que son heure est venue, il quitte le désert pour annoncer la venue du Seigneur ainsi que l'ange l'avait dit. Sur les bords du Jourdain, Jean baptise ceux qui viennent le voir. Par ce baptême, il les invite à commencer une vie nouvelle. « Préparez vos cœurs !» crie-t-il aux hommes. « Le royaume de Dieu est proche. Il arrive, celui que Dieu nous a promis. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de défaire la lanière de ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Cet homme dont parle Jean, c'est Jésus. Justement, le voici qui arrive. « Baptise-moi, » demande-t-il à Jean. « Tu me demandes le baptême, toi ?» s'étonne Jean humblement. « C'est plutôt moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi. » Mais Jésus insiste. « C'est ainsi que nous devons accomplir ce qui est juste. C'est par toi que je dois être révélé au monde. » Jésus entre dans l'eau, s'avance dans le Jourdain. Jean prend de l'eau dans ses mains et le baptise. Alors, le ciel s'ouvre. L'Esprit de Dieu descend sur Jésus. « Celui-ci est mon Fils, » dit une voix venue du ciel. « En lui, j'ai mis tout mon amour. » Ils étaient ses amis, page 55. C'est la fin de la journée. Le soleil se couche sur le lac de Tibériade. La chaleur cède la place à une douce fraîcheur. C'est l'heure où les hommes, fatigués par leur journée de pêche, traînent encore un peu. Ils réparent leurs filets et commentent les événements de la journée. Or, aujourd'hui, ils ont appris que Simon et André, deux frères, ont quitté leur famille, leur travail, leur maison, leur village et tous leurs amis pour suivre un certain Jésus. C'est à peine croyable, commente un homme assis sur la berge. Simon et André venaient pourtant de faire une pêche extraordinaire. Extraordinaire, dis-tu ? S'exclame son voisin. Miraculeuse, oui. Ils avaient là de quoi faire vivre leur famille pendant plusieurs jours. C'est cet homme, Jésus, qui leur a dit où jeter leur filet. Que me racontes-tu là ? S'étonne le premier homme. Tu n'as rien entendu à ce sujet. Simon et André avaient peiné toute la nuit sans prendre un seul poisson. Au petit matin, alors qu'ils nettoyaient leur matériel, cet homme est monté dans leur barque et leur a dit de lancer leur filet. Simon a bien essayé de résister, mais... Cela ne m'étonne pas de lui, coupe le premier homme. Sans doute, reprend son voisin. Mais il a quand même obéi à ce Jésus. Alors, les filets se sont remplis de poissons. Il y en avait tant qu'ils ont cru un instant que les mailles allaient se déchirer. L'homme s'arrête, songeur. Une telle quantité de poissons, c'est le rêve de tout pêcheur ici, à Tibériade. Pourquoi alors ont-ils tout laissé pour suivre ce Jésus ? Je ne sais pas, mais je t'assure que Simon et son frère n'ont pas hésité une seconde. Ils l'ont suivi, sans attendre. Les deux hommes se taisent. Ils cherchent à comprendre quand, soudain, un pêcheur les arrache à leurs pensées. Il est tout essoufflé d'avoir couru jusqu'à eux. Vous connaissez la nouvelle ? Leur demande-t-il en haletant. Pour Simon et André ? Oui, répondent les deux hommes. Non, non, pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils... Quoi ? S'impatiente le premier homme. Ils ont tout quitté, eux aussi. Pour ce Jésus ? Le pêcheur hoche la tête en signe d'acquiescement. Mais qu'ont-ils tous ? S'inquiètent les deux hommes. Et ce n'est pas tout ? Poursuit le pêcheur. Les deux hommes se tournent vers lui avec étonnement. Matthieu, le Lévite, celui qui collecte les impôts, annonce-t-il. Eh bien, il a suivi Jésus, lui aussi. Ah ça, bon débarras ! S'exclame le deuxième homme. Je déteste ceux qui récoltent l'argent pour les Romains. Tout de même, riposte le pêcheur. Tout de même, oui. Ces hommes sont troublés. Ils ont bien entendu Jésus lorsqu'il parlait à la foule ou quand il guérissait les malades. Ce qu'il disait était beau. Parfois, cela a même touché leur cœur. Pourtant, il restait un étranger. Ne fallait-il pas se méfier de lui, malgré tout ? Mais, maintenant que certains des leurs l'ont suivi, ce n'est plus tout à fait la même chose. Simon et André, tout le monde les connaît ici. Jacques et Jean aussi. Tous savent qu'ils ont la tête sur les épaules, qu'ils ne sont pas fous. « Tu as écouté, toi, ce que raconte ce Jésus ?» demande soudain le premier homme à son voisin. « Un peu, pas beaucoup. » « Ce doit être vraiment important pour que nos amis acceptent de le suivre et de tout quitter d'un coup sans regarder en arrière. » reprend le premier. « Et même nos ennemis !» ajoute le pêcheur en pensant à Matthieu, le collecteur d'impôts. « Alors, cela voudrait dire que ce que dit Jésus s'adresse à chacun d'entre nous ?» s'exclame le deuxième homme. « Peut-être, marmonne son voisin. La nuit est tombée maintenant. Les trois hommes se séparent. Chacun regagne sa maison. Sans se concerter, ils se font tous la même promesse. Demain, ils iront écouter Jésus. Cinq pains et deux poissons. Page 59. Où qu'il aille, Jésus est suivi par la foule. Des familles entières, hommes, femmes, enfants, vieillards et tout petits, viennent pour l'écouter et lui présenter leurs malades afin qu'il soit guéri. Certains partent au petit matin pour le rejoindre. D'autres dorment sur place. Près du lac, dans la montagne, dans les villes, ils le suivent partout. Le jeune Josué regarde autour de lui. La foule est immense. Elle a envahi la montagne. Josué n'en a jamais vu de pareil. Il s'amuse à compter ceux qui l'entourent. « J'ai faim !» l'interrompt sa petite sœur en le tirant par la manche. Elle a raison. Lui aussi a faim. Ils n'ont rien mangé depuis ce matin. Et ils ont beaucoup marché. Josué s'approche de sa mère qui écoute Jésus. « Maman, nous avons faim !» lui dit-il discrètement. Elle lui tend alors un panier dans lequel il trouve 5 petits pains et 2 poissons. C'est peu de choses, mais cela fera l'affaire. Josué s'apprête à partager un pain avec sa sœur lorsqu'une grande ombre se dresse devant lui. Le jeune garçon lève les yeux. Un homme s'est avancé. C'est un des amis de Jésus. Il le reconnaît. « Notre maître nous demande de nourrir tous ces gens !» s'excuse le disciple. « Il y a là 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tu es le seul à avoir un peu de nourriture. » Pourrais-tu venir montrer à Jésus ce que tu as, même si c'est trop peu pour toute cette foule ? C'est lui qui le demande. Je pense que nous allons devoir vous envoyer dans les villages voisins pour chercher de quoi manger, car nous n'avons pas assez d'argent pour nourrir tout le monde. Lorsqu'il arrive près de Jésus, Josué est intimidé. « Maître !» commence l'apôtre. « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus ordonne alors « Faites-les asseoir. » À présent, la foule immense est assise aux pieds de Josué. Il n'ose plus bouger. Jésus s'approche de lui, prend les pains et les poissons, les bénit, les partage et les donne à ses disciples pour qu'ils les distribuent. André plonge la main dans le panier, prend un petit pain et le donne à une des femmes assises aux pieds de Jésus. Il en prend un deuxième, puis un troisième. Il puise dans la corbeille de Josué et il a beau distribuer des pains, il y en a toujours assez. C'est extraordinaire, les pains et les poissons se multiplient. Quand Josué revient près de sa mère et de sa sœur, il partage avec elle un pain et un poisson. C'est un vrai miracle, tout le monde mange à sa faim, s'exclame sa mère. Mais déjà, les apôtres ramassent les restes du repas. Ils passent parmi la foule avec de grands paniers. Il y avait beaucoup trop finalement, pense Josué en voyant les disciples remplir 12 corbeilles. Toute cette nourriture va être gâchée. Jésus lève alors les yeux. Il cherche quelqu'un dans la foule. Enfin, son regard croise celui de Josué. Il l'observe longuement. Alors, Josué comprend. Tous ces restes? Non, ce n'est pas du gâchis. C'est la preuve que Dieu nous donne toujours beaucoup plus que ce dont nous avons besoin. Josué sourit à Jésus, et il se promet de ne jamais refuser de donner ce qu'il a, même si c'est peu, pour que le Seigneur en fasse de grandes choses. Il était si petit. Page 62. Perdu au cœur de la foule de Jéricho, Zachée ne voit rien. Il a beau se hisser sur la pointe des pieds, il est trop petit. Et Jésus va passer et il ne l'aura même pas vu. Il a tellement entendu parler de lui. Mais tout à coup, il lui vient une idée. Zachée a repéré un sycomore qui surplombe la route, un peu plus loin. Vite, il grimpe dans l'arbre, s'assoit sur une branche et écarte le feuillage. C'est un bon poste d'observation. Il était temps, car Jésus arrive. Il n'est plus qu'à quelques pas. Il se rapproche. Mais voilà qu'il s'arrête. Là, juste sous son arbre. Zachée est tétanisé. Il n'ose plus bouger. Jésus lève les yeux. Il appelle. Zachée ? Le cœur du petit homme bat la chamade. Comment Jésus connaît-il son nom ? Zachée, appelle de nouveau Jésus. Descends de ton arbre. Aujourd'hui, je dois venir chez toi. Alors soudain, le cœur de Zachée s'ouvre à la lumière. Il bondit de sa branche. « Viens, Seigneur. Oui, viens chez moi !» s'écrie-t-il. La foule s'indigne. « Pourquoi Jésus va-t-il chez ce pécheur? N'a-t-il pas mieux à faire que de se rendre chez un voleur ?» Car Zachée est un voleur, c'est vrai. Il collecte les impôts pour le compte de l'occupant romain, et cela ne le rend pas sympathique. Mais en plus, il en profite pour demander plus à ceux qui doivent payer et il garde cet argent pour lui. Jésus se moque de ce que l'on dit de Zachée. Il ne voit que son cœur qui a besoin d'être guéri. Et il a raison, car aussitôt qu'il découvre que Jésus l'aime, Zachée change. Il sent son cœur grandir et s'ouvrir. Il veut de nouveau faire le bien. « Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens !» s'exclame-t-il. Et si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai quatre fois ce que je lui ai pris. Jésus sourit et les anges du ciel laissent éclater leur joie. Car le Seigneur l'a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Un père si aimant, page 64. Jésus est infatigable. Il est toujours sur les routes. Partout où il passe, Jésus s'arrête auprès des pécheurs. Ceux qui le suivent s'en indignent. « À quoi bon perdre ton temps avec ceux qui sont perdus ?» disent-ils. Mais Dieu aime tous les hommes. Et chaque fois qu'un pécheur revient à lui, c'est une grande joie dans le ciel. Pour faire comprendre cela à ceux qui l'accompagnent, Jésus leur raconte cette histoire. Un homme a deux fils. L'aîné est raisonnable et travailleur. Son père a confiance en lui. C'est un bon fils. Il aura une belle vie. Le cadet, en revanche, l'inquiète. Il est paresseux et capricieux. Un jour, il vient trouver son père. « Père, donne-moi ma part d'héritage. Je voudrais partir pour voir du pays. » Sur ces mots, il prend la bourse pleine d'or qui lui revient et quitte la ferme familiale. Le jeune homme voyage à travers tout le pays et plus loin encore. Il dépense son argent en mangeant grassement, en buvant beaucoup et en faisant toutes sortes de bêtises. Dans la bourse, l'or diminue. Bientôt, il n'y en a plus du tout. Pendant ce temps, le cœur brûlant d'amour, le père espère le retour de son fils. C'est alors qu'une terrible famine s'abat sur le pays où le jeune homme s'est installé. La famine dure et le fils finit par vendre ses beaux vêtements pour s'acheter de quoi manger. Puis, quand il est presque nu, il garde les cochons en espérant voler un peu de leur nourriture. Pendant ce temps, le cœur brûlant d'amour, le père attend le retour de son fils. Assis au milieu des cochons, le fils se souvient de la ferme de son père. Elle est si bien entretenue, si accueillante, si prospère. Là-bas, les ouvriers sont nourris et correctement vêtus, tandis que lui, ici, vit dans une porcherie sans personne pour prendre soin de lui. « Je vais aller trouver mon père !» se dit-il. « Je lui dirai que je ne suis plus digne d'être appelé son fils et que je souhaite devenir son ouvrier. Alors, je pourrai manger de nouveau à ma faim. » Là-bas, dans sa ferme, comme tous les jours, le père guette le retour de son fils avec amour. C'est alors qu'il aperçoit un homme à l'horizon. Un homme affreusement maigre et misérable. Pourtant, le vieux fermier le reconnaît aussitôt. Son cœur de père ne peut pas se tromper. C'est lui, c'est son enfant, lui dont il attendait le retour. Il s'élance à sa rencontre, le serre dans ses bras et l'embrasse. « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel !» dit alors le jeune homme. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes ouvriers. »« Un ouvrier, toi ?» s'exclame le père. « Apportez-lui plutôt un beau manteau et une bague pour son doigt. Faites tuer le veau gras pour que la fête soit belle. Car mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. Mon fils, qui était perdu, est retrouvé. » Quand le fils aîné revient des champs, il entend la musique et la fête. Lorsqu'il apprend que tout cela a été préparé en l'honneur de son frère, sa gorge se serre, son cœur s'emplit de jalousie et de colère. Il va trouver son père et lui dit « Il y a tant d'années que je suis auprès de toi et tu ne m'as jamais organisé une seule fête. Mais tu tues le veau gras pour célébrer le retour de ton fils qui a dépensé tout ton argent. » Alors, le vieil homme prend son fils dans ses bras. « Toi, tu ne m'as jamais quitté. Mon amour pour toi est immense, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il faut fêter le retour de ton frère et se réjouir, car il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Une bien triste semaine. Page 67. Il fait nuit. Le froid tombe dans le jardin. La pierre roule. Le tombeau se ferme dans un bruit sourd et un épais silence s'installe qui tranche étrangement avec l'agitation et les cris de la terrible journée qui s'achève. Voilà. C'est fini. Le cœur de l'apôtre Jean est brisé. Jésus, son ami, son Seigneur, est mort et enterré. Tout est allé si vite, pense l'apôtre, debout devant le tombeau. Il y a quelques jours pourtant, Jésus entrait dans Jérusalem, acclamé de tous. Jean se souvient en effet de la foule en liesse qui étendait des manteaux et des palmes sur le passage de son ami. Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Acclamait-elle. Les femmes portaient leurs enfants pour que Jésus les voie et les bénisse. Le long du chemin, les hommes agitaient les mains, applaudissaient et chantaient la louange de Dieu au passage du Christ. Jean et tous les apôtres se réjouissaient de cet accueil. Et la fête ne faisait que commencer, pensaient-ils, puisqu'ils allaient partager tous ensemble le repas de la Pâque. Mais rien ne s'était passé comme ils l'avaient imaginé. Au cours du repas, Jésus prit du pain, il le bénit et le partagea en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il saisit une coupe de vin, la bénit et la donna à ses apôtres en disant « Prenez et buvez. Ceci est mon sang versé pour vous. » Jésus ajouta « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Les apôtres mangèrent et burent le pain et le vin partagé. Et Jésus poursuivit « L'un de vous va me trahir pour me livrer. » À ce moment-là, Jean et tous les autres apôtres se demandèrent de qui Jésus parlait. Personne ne semblait bien sûr de lui, finalement. Seul Pierre osa prendre la parole. Il s'écria « Si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas !»« Amen, je te le dis, » lui répondit Jésus. « Cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Pierre se défendit. Il promit de suivre Jésus jusqu'à la mort. S'il avait su. Plus tard, dans la soirée, Jésus partit prier au mont des Oliviers. Jean était avec lui, mais il était tard. Ni lui, ni Jacques, ni Pierre qui l'accompagnaient ne furent capables de veiller. La journée avait été longue et fatigante. Ils s'endormirent et laissèrent Jésus prier, seul. Jean a honte. Jésus savait qu'il allait mourir. Il avait peur. Il avait besoin du soutien de ses amis. Mais eux, ils dormaient tranquillement. Ils ne se réveillèrent que lorsque Judas arriva avec des soldats. Le traître embrassa Jésus. C'était le signal. Les soldats arrêtèrent le Christ. Ce qui se passa ensuite, Jean le suivit de loin. L'arrestation de son ami le terrorisait. Il lui semblait que tout le monde voulait le faire mourir lui aussi. Pierre non plus n'osa pas suivre Jésus comme il l'avait pourtant promis. Et quand on lui demanda « N'es-tu pas un ami de ce Jésus ?» Il s'écria « Non, je ne le suis pas !» Pierre nia connaître Jésus 3 fois. Alors, le coq chanta et Pierre se souvint des paroles de Jésus. Il pleura amèrement. Jésus avait dit vrai, lui aussi l'avait trahi. Jean vit Jésus emmené chez Caïphe, le grand prêtre. Il entendit les fausses accusations, les injures, les crachats et les coups de fouet. Puis, on envoya Jésus chez Pilate. La foule s'était rassemblée au pied de la maison du gouverneur. Les hommes et les femmes, entraînés par les prêtres et les anciens, criaient et vociféraient contre Jésus. Aussi, lorsque Pilate leur demanda ce qu'ils devaient faire de Jésus, ils hurlèrent « Crucifie-le !» Et quand Pilate proposa de le relâcher, ils refusèrent à grands cris, demandant à la place la libération de Barabbas, un voleur. Alors, Pilate se lava les mains, car il ne voulait rien avoir à faire avec la mort d'un juste, et il livra Jésus. Jean revoit Jésus, frappé et hué par la foule, tandis qu'il portait sa croix jusqu'au mont du Calvaire. Il était si faible. Son front saignait sous la couronne d'épines. Tout son corps abîmé ployait sous le poids de la croix. 3 fois sur le chemin, Jésus tomba. Il fallut même l'aider pour qu'il puisse continuer. Quelques personnes sur le côté ne criaient pas. C'étaient des femmes. Elles pleuraient. Parmi elles se tenait Marie, la mère de Jésus. Voir souffrir son fils lui était insupportable. Mais elle voulait l'accompagner jusqu'au bout. Lorsque Jésus parvint enfin au sommet du calvaire, on le cloua sur la croix entre 2 malfaiteurs. L'un des 2 hommes l'injuria. « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec !» L'autre larron s'indigna. « Nous avons ce que nous méritons, mais Jésus, lui, n'a rien fait de mal. » Puis, se tournant vers Jésus, il ajouta. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Alors Jésus lui dit, « Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Vers 3 heures de l'après-midi, le ciel s'assombrit subitement. Les ténèbres tombèrent sur la terre. Le rideau du temple se déchira et Jésus cria « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Sa tête tomba sur son épaule. Il expira. C'était fini. Debout au pied de la croix, Jean pleura. À côté de lui, Marie ne disait rien. Son visage était baigné de larmes. Un peu plus loin, un centurion de l'armée romaine pleurait lui aussi. Entre ses sanglots, on l'entendait répéter. « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu !» Le sabbat approchant, on descendit très vite Jésus de la croix. Marie serra une dernière fois son fils dans ses bras, puis on l'enveloppa dans un linge blanc et on le mit au tombeau. Et maintenant, Jean se tient là, devant ce tombeau. Il se sent perdu, seul. Jésus n'est plus là. Que va-t-il se passer désormais? À l'aube du 3e jour, page 72. Thomas a l'impression de devenir fou. Des femmes sont allées au tombeau du Christ hier matin et elles l'ont trouvé vide. La pierre était roulée sur le côté. Le drap qui enveloppait Jésus était toujours là, mais son corps avait disparu. Les soldats qui gardaient le tombeau ont fait courir le bruit que les apôtres avaient volé le corps de Jésus. C'est faux, bien sûr. Mais alors, où est-il? Depuis hier matin, Thomas sillonne la ville de Jérusalem à sa recherche. Il est en colère contre les menteurs, mais aussi contre les apôtres, ses amis. Aucun n'ose bouger. Il se cache de crainte de se faire arrêter. Ils ont peur. D'ailleurs, à rester ainsi enfermé, ils perdent un peu la tête. Hier soir, quand il est rentré, ils lui ont tous affirmé que Jésus était venu les visiter. Thomas n'y croit pas. C'est impossible. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas, s'était-il écrié. Et il était reparti, chercher de plus belle. Mais Thomas doit se rendre à l'évidence. Il ne trouve rien. Pas le moindre indice, pas la moindre piste. Découragé et triste, il rejoint les autres apôtres. Il s'enferme avec eux quand soudain, Jésus est au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Thomas le regarde, les yeux élargis par la surprise.